16 tapeurs. Je fume plus que 27 sapeurs. Chien Z, je découpe comme Vince à blazer, toi comme un sécateur. Je mets le sirop dans l'Arizona. Très loin du rap français, comme si j'habite dans l'Arizona. J'arrive avec le clan qui lue comme Jaja. Dans le Lex, sous pilule comme Jaja. Négro, je viole la prod, puis je l'égorge. SO, qui George. Guillaume, SO, Dijon. Voilà du plus votant. Elle me demande comment ça se fait que je fume autant. J'sais pas que des piles. Leur durée de vie très limitée comme des piles. Négro, je veux la glace. Faut comme des piles. 27 tapeurs. Je fume plus que 27 sapeurs. Shenzhen, je découpe comme 27 blazer, toi comme un sécateur. 27 tapeurs. 27 tapeurs. 27 tapeurs. Je fume plus que 27 sapeurs. Équipe. 27 tapeurs. Je fume plus que 27 sapeurs. Shenzhen, je découpe comme 27 blazer, toi comme un sécateur. 27 tapeurs. Négro, j'arrive yeux rouge comme Android. Shenzhen, bientôt vert comme le bonhomme Android. Kadien, ton flow vaut le prix de la passe, négro. Shenzhen, j'dribble le goal, j'fais la passe, négro. 6-6-7, qualité comme la base, négro. La soli frère Watt, c'est la base, négro. Dans la maison piège, c'est la base, négro. J'reste en vrai, négro, j'l'étais à la base, négro. Kadien, depuis. Dans la forêt, j'mets mes pièges à loup. Par un front actif, négro, j'ai mes pièges à loup. MMS, LDO. Shen, Zen, Eke, Harry, attrapeur pro. Très très loin, je mélange antidépresseur et Marie. Xen, j'ai l'impression d'être Charlie. Mais comment je vois, négro, c'est trop trouble. Qui lui a dit, négro, SO double. Plateau LS, des négro, SO trouble. 27 sapeurs. Je fume plus que 27 sapeurs. Shen, Zen, je découpe comme 27 blazer, toi comme un sécateur. 27 tapeurs. 27 tapeurs. 27 tapeurs. J'fume plus que 27 sapeurs. Équipe. 27 tapeurs. J'fume plus que 27 sapeurs. Shenzhen découpe comme 27 blazer, toi comme un sécateur. 27 tapeurs. 27 tapeurs. 27 tapeurs. J'fume plus que 27 tapeurs. Pétasse. MMS, NRF 67. Gardien, 67, c'est la sec pétasse. Les lieux rouges, c'est la sec pétasse. Là, c'est